À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, ont eu lieu du 29 au 31 août un séminaire national sur les idées du jeté en Inde et les rassemblements en Islande et en Pologne en présence des personnalités et habitants de divers milieux des pays hôtes. Dans les salles de cérémonie étaient affichés les portraits en sourire des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il. Les participants au séminaire ont adopté un message de félicitations à l'adresse du camarade Kim Jong-un. Par ailleurs, toujours à la même occasion, ont eu lieu du 30 août au 1er septembre les séminaires en Tchèque et au Bangladesh et une exposition de livres et de beaux-arts coréens à l'école secondaire numéro 5 de Khabarovsk, Russie.